France Inter. François Morel, on vous écoute. Je voudrais aujourd'hui apporter mon témoignage, simplement partager avec vous une expérience vécue qui a été la mienne, une expérience que je n'hésiterai pas à dire de l'extrême, une expérience dont on ne sort pas indemne et qui fait qu'aujourd'hui je ne suis certainement plus tout à fait le même homme que celui que j'étais l'année dernière. Cette expérience a suscité autour de moi d'abord le plus grand scepticisme, puis la plus vive admiration. La plupart de mes amis, de mes collègues, des différents membres de ma famille me croyaient incapable d'aller jusqu'au bout. J'y suis parvenu. Force même est de constater que cette réussite a été totale, magnifique, exemplaire, ce que j'ignore. En revanche, c'est si ce matin je vais réussir à aller jusqu'au bout de cette chronique, tant je suis encore sous le coup de l'émotion après cette sorte de voyage intérieur que j'ai effectué à force de courage, de volonté, de solitude. Lorsque, hardiment, vaillamment, résolument, j'ai tenté de dépasser mes limites, oui, aujourd'hui, 3 février, je me demande encore comment, pendant 31 jours, sans interruption, à force de façonnage de mon mental et de mon physique, je suis, à mon âge avancé, parvenu à vivre pleinement et sans interruption et de manière exemplaire mon premier dry January. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis extrêmement touché par votre enthousiasme qui me va droit au cœur. Je voudrais dire cependant que cette réussite est aussi le fruit d'un travail collectif et je voudrais surtout remercier toute mon équipe qui s'est mise en place autour de moi pour me soutenir dans ma démarche qui, j'aime autant vous le dire, n'était pas gagnée d'avance. Je voudrais remercier tout d'abord ma femme qui a caché tous les tire-bouchons dans la maison ainsi que les décapsuleurs, les couteaux suisses et qui prudemment avait fermé la cave à clé. Sans elle, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. Je voudrais remercier mes collègues de travail qui, pendant toutes les Épiphanie se sont ingéniés chaque fois que nous partagions une galette des rois, au lieu d'un chardonnay, d'un crémant d'Alsace ou de Bourgogne, mieux d'un cidre ou d'un poiré venu de Domfront ou de Mantilly, à me proposer de l'eau citronnée. Alors, après un exploit de cette envergure, la question qui se pose naturellement, c'est l'après. Comment renouer avec le succès? Comment renégocier avec la réussite? Très sincèrement, c'est trop tôt, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je le dis franchement, j'ignore si je retrouverai l'année prochaine la force mentale de reproduire un tel prodige. Peut-être me rabattrai-je plus raisonnablement sur le dry February qui a quand même l'avantage d'être plus court. Mais ne tirons pas de plan sur la comète. Soyons tout à notre joie de cette performance, de ce succès absolu, de cette victoire sur soi-même. Soyons à l'heure de ce triomphe, tout à notre bonheur. Et en conclusion, comme à chaque fois qu'on peut fêter l'excellence d'une prouesse, je dirais tout simplement, j'ai réussi mon dry January. Ça s'arrose. Merci François Morel. Les infos à suivre sur Inter.